Parce que tu écoutes Sixto Rodriguez, France Gall Char 69 et puis Françoise Hardy. Parce que tu trouves charmant mon gel douche à la fraise et parce que tu sirotes une Monster à minuit. Parce que tu es le rock et Brassens à la fois. Parce que tu es paumé au sein de ta famille. Parce que tu es touchante quand ton mec te calcule pas. Et parce que mon cœur flanche à chacune de tes stories. Mila, Mila, écoute ça et souris-moi. Mila, Mila, rallume ton pétard et prends-moi dans tes bras. Parce que tu es Anne et ses chansons si belles. Parce que je me souviens de chaque note que tu joues. Parce que mes nuits sont devenues violet pastel. Et parce que tu es là quand la mort paie un coup. Parce que Mila sont mes deux accords préférés. Et que je voudrais tant les gratter avec toi. Passer toutes mes nuits à fumer et chanter. Que le bonheur résonne au prénom de Mila. Mila, Mila, écoute ça et souris-moi. Mila, Mila, rebranche ta guitare et prends-moi dans tes bras. Que tu me donnes envie d'aimer la Croatie et de mysticider l'idée de mon idéal. Parce que tu me fais mourir à travers mon ordi lors du tendre bonheur d'une visio musicale. Parce que je veux prendre un van et faire le tour du monde avec toi, ta guitare et tes yeux maléfiques. Oui, mais ton mec veut pas, alors je reste dans l'ombre, attendre comme un con le jour où tu le quittes.